La statuette par Charles Robert Dumas. Elle était vraiment jolie, la petite danseuse. Les bras arrondis au-dessus de la tête, elle lançait une jambe en avant, guindait le mollet, dardait son pied menu, tandis que le buste se cambrait en arrière, en un déhanchement ravissant de souplesse crâne et jeune. Le comte de Varme suivit la direction de mon regard. « Pas mal, hein, ma petite terre cuite » interrogea-t-il avec un peu de fatuité. « Délicieuse, mon cher, un vrai bijou. Et vous savez, du 18e, du pur, de l'authentique, de l'indiscutable. Une boutade, sans doute, d'un artiste de ce temps-là, tourmenté un beau jour par l'impérieux besoin de faire vrai, vrai à outrance, d'envoyer au diable le conventionnel, l'art de salon, la plastique à la mode, le goût du siècle, enfin. » Il la contempla longuement. « Examinez-la, » poursuivit-il. Pas une imperfection, ni une invraisemblance, pas une faute, pas une hésitation. Et dire qu'on a failli me la casser, me la démolir comme un plâtre de 19 sous, les vandales. Comment cela, fis-je? Oh, c'est toute une histoire, et qui remonte loin, bien loin déjà. La comtesse vivait encore, et nous étions au tout suave début de notre roman d'amoureux. Une folie d'escapade nous avait secoués tous deux, et, bouclant nos valises, bâclant nos malles, nous décidâmes de fuir vers Nice et le soleil. Je laissai la garde du logis au maître d'hôtel, un vieux serviteur que je pensais dévoué. Il devait surveiller les autres domestiques. Nous voulions être seuls, voyager à deux, rien qu'à deux, sans l'embarras de gens à livrer. Nous partîmes. Ah, les gais étourdis que nous faisions alors! Figurez-vous que nous avions comploté d'avance de nous fixer au hasard de notre ravissement n'importe où, ici ou là, pourvu que le site nous retint. Ce fut une simple maisonnette du bord de mer, découverte au détour d'un chemin, qui nous parut la seule enviable. Toute blanche, le pied baignant dans l'eau et blottie le long d'un roc, sous une touffe de citronniers, elle nichait, paisible, dans un repli de la côte, alors ignoré du gros public. Bon Dieu, fûmes-nous heureux là-dedans. Pourtant, au travers de cette félicité, la comtesse laissait parfois percer un secret. Habituée aux menus soins de sa femme de chambre, elle s'accommodait assez mal des services d'une bonne grosse paysanne, brave créature certes, mais aux mains épaisses, aux gestes maladroits et lourds. « Voyez-vous, me dit-elle un soir, décidément Rosette me manque. Nous aurions dû l'emmener. »« Eh bien, faisons l'avenir, » répondis-je, quoi de plus simple. « Dès demain, j'irai au bourg télégraphier. » Le jour suivant, au saut du lit, une dépêche vint me surprendre. Je ne sais plus trop quelle affaire exigeait à Paris ma présence. Il fallut partir sans délai. « Eh bien, » dis-je à ma femme en badinant, quoique juste l'âme navrée de m'échapper en pleine idylle, « voilà qui tombe à merveille. Dès mon arrivée là-bas, je me ferai conduire à notre hôtel et donnerai à Rosette l'ordre de vous rejoindre immédiatement. » Cette Rosette était une fort belle fille, ma foi, d'allure discrète et distinguée. Grande, elle avait, malgré sa bouche un peu sensuelle et la longueur de ses yeux noirs, un air d'honnêteté qui lui avait conquis d'emblée la confiance de la comtesse. J'arrivai à Paris assez tard dans la nuit, et ce fut vers les 1 heure du matin que je m'arrêtai à la porte de mon hôtel. À ma grande stupéfaction, j'aperçus la façade étincelante de lumière, de la clarté partout, une illumination de fête, tout semblait en gaieté, des combles au sous-sol. J'allais sonner. Une curiosité bien naturelle retint mon bras, et c'est en propriétaire furtif que je pénétrai dans le parc et gravis le perron. J'entrai dans le vestibule. Une clameur de liesse parvint à mes oreilles, un tintement de verre entrechoqué, puis des propos pâteux d'ivrogne, des rires nerveux de femmes provoquées. 4 à 4, je montai l'escalier, et d'une seule poussée, j'ouvris la porte. Tous mes gens étaient là. Cuisiniers, concierges, cochers, filles de service, souillons de cuisine, étalant leurs coudes sur la table parée du luxe des grands jours. Mon vieux maître d'hôtel, en frac, débraillé, présidait. À ma vue, ce fut un sursaut d'effarement. Une subite terreur rompit la hardiesse des gestes. Tous se levèrent en désordre. Les hommes plus lâches s'écroulèrent sous la table, se cachèrent sous les chaises, derrière les tentures. Les femmes, engourdies par la peur, demeuraient debout, muettes, enfouissant leurs joues dans leurs mains crispées. Secoué d'indignation, les bras croisés, je restais sur le seuil, l'écœurement, le dégoût me clouait là. « Racaille, racaille !» balbutiai-je. Un grand silence était fait. Tous se tairaient, plus vils que des chiens devant leur maître. Seule Rosette, l'œil canaille, une rose effeuillée dans ses cheveux à la débandade, me faisait face, insolente. Elle eut un mouvement de défi. « Bah quoi ? C'est que le patron » grouilla-t-elle dans le cynisme de l'ivresse. « Allez-vous vous relever, vous autres ? On fait la bombe ! Avec ceux qui ne la font pas, eux !» « Elle va la faire avec nous, la bombe, Spam, monsieur le comte. Tu vas t'asseoir là, avec nous. J'ai mon idée. » D'un geste mou, elle rafla cette statuette que vous admiriez tout à l'heure et qui ornait alors la cheminée de la salle à manger, puis l'élevant à bout de bras. « Tu vois ça, hein ? Ben, si vous buvez pas avec nous, je la plaque par terre, ta femme de plâtre. Je la mets en petits bouts. Je pile dessus. Tu me feras boucler après, monsieur le comte. Ça sera comme vous voudrez. » « Mais je veux que vous trinquiez avec vos gens de service, comme vous dites. Égalité, fraternité. » Elle éclata d'un rire hystérique. Une fois, deux fois, c'est dit. Elle balançait lourdement l'objet d'art, prête à exécuter sa menace criminelle. Alors ? Alors ? Demandai-je. « Eh bien, vous devinez la suite, n'est-ce pas ? Vous me savez collectionneur, passionné d'art, et qui plus est, amoureux de cette statuette à ne reculer devant rien, pour lui conserver la vie sauve. » Et voilà comment, mon cher, le comte de Varmes, une certaine nuit, banqueta crapuleusement avec toute sa bataille. C'était La Statuette par Charles Robert Dumas.